La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. 16e séance de la troisième encore et encore. Donc c'est une séance un peu intermédiaire, puisque bien que nous allions parler bien sûr de la troisième, on va se référer à un autre texte qui est à peu près de la même période, donc 1973, où s'adressant à un public un peu plus large, disons, puisque c'est quand même à la radio. France Culture. Oui, France Culture. Qui n'était pas encore France Inculture, hein, qui était encore France Culture à l'époque. Donc, on va écouter cette interview de Jacques Lacan, qui est un peu longue, mais par rapport aux autres documents audio, qui est une très grande qualité sonore, et puis surtout, c'est tellement simple, ça vaut vraiment le coup de l'écouter jusqu'au bout. Donc, on va commencer par ça, et puis après, on essaiera de déplier quelque chose. D'accord ? On y va. Le docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas. Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Vous entendez bien. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement, qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. L'enseignement que je reçois de mon expérience, à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée permettre qu'on la qualifie comme telle. Seulement pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré. Ce qui n'exclut pas que dans certaines conditions, ce soit difficile de s'en sortir. Et c'est pourquoi il est préférable que l'analyste, qui heureusement n'y a pas toute la part d'action, sache ce qu'il fait. Savoir ce qu'il fait, ça veut dire dans quel discours il est pris. Car c'est cela qui conditionne l'ordre de faire dont il est capable. J'ai prononcé le mot discours. C'est une notion très élaborée. Je l'ai élaborée sans doute à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que 20 ans où je me suis laissé enseigner par l'expérience et où je me suis efforcé d'en extraire quelque chose, 20 ans, ça permet d'élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela j'ai se dire une conception du monde. Ce que je définis, c'est ce qui peut se dire à partir de cette expérience nouvellement introduite dans le champ des discours humains, c'est-à-dire de ce qui constitue un mode de lien social. Vous n'êtes pourtant pas le seul à vous être intéressé au discours. Est-ce que ce n'est pas le fait des psychanalystes qui se penchent plus particulièrement justement sur le formalisme de l'analyse ? On peut poser la question en ces termes, n'est-ce pas ? C'est vraiment un point de départ, et c'est d'ailleurs de là qu'est parti ce que je me trouve appelé, ce qui se trouve situé comme mon enseignement. L'analyste reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage ? C'est la formule clé, n'est-ce pas, par laquelle j'ai cru devoir introduire la question, n'est-ce pas ? La question est celle-ci. ce que Freud a découvert et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, enfin, n'est-ce pas, les tendances de vie, par exemple, ou les pulsions de mort. Ça ne peut en aucun cas y être identifié. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées. Il a employé ce terme, les pensées même qui le guident. Il insiste sur ce que ce sont des pensées. Et quand on lit, on s'aperçoit que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci, qu'il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, n'est-ce pas ? Qui n'appartiennent au champ du langage. La façon dont Freud opère part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, le lapsus, le mot d'esprit. Si met en avant ces éléments-là, il faut lire ses ouvrages de départ, qui sont La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne, ou justement ce qu'il a écrit sur le mot d'esprit, pour s'apercevoir que il n'y a pas un seul de ces éléments qu'il ne prenne comme articulé par le sujet, et c'est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation, n'est-ce pas ? La nouvelle forme qu'il y substitue par l'interprétation est, je dirais, de l'ordre de la traduction, n'est-ce pas ? Et la traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction, et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas, que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient. Le réel même, tout court, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où ? C'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est l'appui toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller. Mais bafouiller en mots. Un professeur a écrit en marge de mon enseignement. Il a cru faire une découverte en disant que le rêve ne pense pas. C'est vrai, il ne pense pas comme un professeur. Trompe-t-il ou se trompe-t-il le rêve ? Le professeur ne veut pas poser la question au rêve, pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur. Est-ce qu'il est clair maintenant ? dans la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver. On n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil. L'ennuyeux est qu'il en reste des choses totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence. Et la psychologie, au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. Le jouir de l'être parlant que vous êtes tous qui m'écoutez s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d'un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c'est sur le tard, avec Spinoza, étaient arrivés à ça, que l'essence de l'homme est le désir. Il est vrai qu'il ne mesurait pas bien à quel manque le désir répond. À quelque chose, il faut bien le dire, de fou. À quoi, pendant longtemps, on a substitué la perfection attribuée à l'être suprême. Cet accent sur l'être, c'est ce qu'il y a de fou là-dedans. L'être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud. La façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise que là, pour meubler, n'est-ce pas, on se rue avec toutes sortes de notations qui se prétendent scientifiques et on croit que ça éclaire la question. C'est très remarquable ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent chez les animaux détecter les biologistes et d'autre part ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le sujet de sa vie sexuelle. Les deux termes n'ont aucun rapport. D'un côté, c'est l'inconscient, de l'autre, c'est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l'analyse, c'est que la question est personnelle pour chacun des êtres parlant, qu'on ferait mieux de dire des êtres parlés, montre bien que c'est dans le langage que se joue l'affaire pour chacun. Bien sûr que, comment me le faire marguer, il y a des affects, oui. Mais c'est du discours qui l'habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d'ailleurs se démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique sur un affect aussi important que l'angoisse. Bon ben, disons quelque chose de plus, l'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de 3 siècles. D'ailleurs, le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi ? On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari. C'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune. Est-ce que vous recevez en ce moment, justement, de congrès, la visite de congressistes ? Oui, j'en ai reçu, bien sûr, quelques-unes, comme c'est l'usage quand je suis à Paris. La psychanalyse est devenue ces dernières années en France ce que nous appelons un fait de culture. Je sais que vous contestez le terme. Oui, je conteste le terme dans toute la mesure où celui de nature auquel il s'oppose me paraît tout aussi contestable. Ce qu'on appelle un fait de culture, c'est en somme un fait commercial. Enfin, pourquoi c'est intéressant ? On peut dire que l'analyse, ça se vend bien, oui. Je parle des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. On peut entasser autant qu'on voudra de ces colonnes, de ces piles, de ces entassements de production diversement littéraires. C'est ailleurs que se fait le travail, et c'est dans la pratique analytique pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt, parce qu'il est là tout à fait essentiel. Ce que j'essaie de former à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien. C'est une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle. C'est une école, pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique. Oui, si tu veux. Bon, alors, pour le raccorder un peu au propos de la troisième, puisque il y a tout dans la troisième. Donc, j'ai relevé certains passages qui me semblent justement les plus évocateurs. D'abord, on remarque que dans ce rythme vocal de l'interview, on est dans les années 70, on n'est pas il y a 40 ans qui ont passé depuis, on le laisse parler, on laisse le temps du silence, etc. Là, ce serait plus possible de parler comme ça avec ce rythme-là aujourd'hui. Donc, alors, dès le début, les analystes sont mis sur la sellette. Parce que justement, je pense que c'est l'époque du passage à encore où il se passe quelque chose et Lacan, massivement décide de s'adresser plutôt aux femmes. À partir de ce moment-là, donc il sort des mathèmes, et évidemment, les analystes dont il est question, c'est essentiellement des hommes qui, à qui il fait passer ce propos, qui est aujourd'hui en pleinement d'actualité. Donc savoir ce que fait un analyste, ça veut dire d'abord savoir dans quel discours il est pris. C'est-à-dire que c'est cela qui conditionne l'ordre du faire dont il est capable. Bon, ça, on va voir, il y a plusieurs occurrences de ça là-dedans, c'est-à-dire que c'est, on est sur le principe hegelien de Lacan, hein, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il a piqué Hegel, ça veut dire que c'est le même mode de pensée, un mode de pensée où la parole n'est pas tenue par un sujet, mais c'est plutôt la parole qui tient le sujet. Donc ça, c'est, chez Hegel, ce sont les notions dans la phénoménologie de l'esprit qui vont agir, donc les idées, les notions, qui vont agir à travers les passions des hommes pour se combattre elles-mêmes. Et donc il y a une inversion de perspective, puisque il va le dire après, on va le voir, on ferait mieux de dire des êtres parlés que des êtres parlants, et que même les affects ne sont accessibles que par rapport à la parole et la manière dont le sujet est engagé dans la parole, et que la parole, c'est ce que Freud appelle les pensées. On y vient. Donc, il fait une petite, dès le début, petit aparté, donc, puisqu'on a quelqu'un qui est intéressé par Marx ici, donc ce n'est pas une Weltanschauung, c'est-à-dire l'analyse n'est pas une conception du monde, c'est pas une vision, donc la Weltanschauung, c'est la vision globale du monde qui définit une vérité qui vaut pour tout le monde. Donc l'universel de la psychanalyse, il n'est pas de cet ordre-là. La psychanalyse est universelle, mais justement ce n'est pas une Weltanschauung, pas plus d'ailleurs que le marxisme, comme le précise Lacan un peu plus tard en 1975. En fait, c'est un mode de lien social. Donc dans la première partie, il replace, disons, la dynamique de l'analyse dans l'ordre dans lequel elle doit être abordée, c'est-à-dire cette perspective-là où c'est le discours qui tient le sujet et non pas l'inverse. Donc il continue avec l'inconscient structuré comme un langage. Est-ce que l'analyste reconnaît-il ou pas ce fait ? Il pose la question. Parce que là, on va voir que si on reconnaît ça, on ne peut pas imaginer qu'il y aurait deux inconsciences. Ça ne veut strictement rien dire. Une aberration totale. Donc, le retour à Freud, il le manifeste tout de suite. Donc, l'être parlant ne sait pas les pensées. Il a employé ce terme. Les pensées même qui le guident. Donc là, on est vraiment, on va retrouver ça aussi dans le rêve, c'est-à-dire la notion de réel aussi, on va voir là tout de suite. Hein. Il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole qui n'appartienne au champ du langage. Bon, ben ça, on en parle dans la troisième, puisqu'il dit, il y en a qui s'imaginent qu'il y aurait une pensée pure, c'est-à-dire sans les mots pour la formuler. Il y a une espèce de truc comme ça chez beaucoup de l'obscurantisme New Age, etc. C'est-à-dire qu'on aurait des espèces de pensées, d'émotions, ou les mots eux-mêmes. Donc ça n'existe pas. Hein. C'est... Parce qu'il y a le réel qui, effectivement, ne peut pas se dire, mais on ne peut y accéder que par l'intermédiaire du langage. Donc on peut savoir de l'autre que ce qu'il dit. Sinon, on est dans une projection imaginaire. Et évidemment, le rêve, le lapsus, le mot d'esprit, puisque c'est par là qu'il arrive, ce sont justement les glissements qui font voir ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire que c'est quand ça rate, quand ça loupe, puisque le réel c'est ce qui ne va pas, que se donne à lire qu'il y a un inconscient. Donc c'est dans les glissements, donc dans les choses qui semblent irrationnelles a priori, donc le rêve, le mot d'esprit, le lapsus, que se révèle qu'il y a un inconscient. Ce sont des mots hein, qui sont articulés par le sujet, et c'est sur cette articulation même que porte l'interprétation. C'est-à-dire que c'est là où il faut entendre ce que dit le sujet. Ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, il faut écouter. La vérité vient par ce biais-là, et nulle part ailleurs. Donc, la forme que Freud substitue par l'interprétation, donc Lacan l'a dit traduction, donc traduction, il dit que c'est une réduction, la réduction c'est une perte, et ce qui se perd, alors là c'est le point clé, je dirais le climax de son interview, cette perte, c'est le réel, alors il commence par dire le réel même de l'inconscient, mais il dit le réel tout court, justement. Alors c'est là où c'est subtil, parce que on va voir que effectivement l'inconscient est structuré comme un langage, mais comme un langage, voilà, pas comme le langage, comme un langage, mais il est réel, mais c'est pas l'inconscient réel. On peut pas mettre un adjectif là-dessus, puisque c'est stupide, puisque c'est l'inconscient, donc il est biface comme le sujet, c'est-à-dire il est du côté du réel, il vient pas. Le réel vient par ce côté-là. Il se donne à percevoir par là. Mais il n'est pas confondu avec ça. Donc la perte du réel, alors là, bien sûr, c'est la sexualité. Alors là, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure parce que je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais là, il y a beaucoup de confusion là-dessus, justement, et on y reviendra. Donc c'est dans la sexualité que l'être parlant bafouille. Donc voilà, le réel se perd, et il se perd là, dans la sexualité. Il bafouille en mots, il précise. Hein. Alors, on a un petit passage sur le rêve. Donc, c'est cru en droit de rêver. Il n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve. Donc là, on a dans la même logique que le discours. C'est-à-dire que je suis rêvé, en quelque sorte. Bon, c'est le fameux rêve du papillon, Lacan, Lao Tzu. Et donc, c'est toujours une passivité, en quelque sorte, hein, par laquelle on peut aborder l'inconscient. Si on est dans un discours rationnel où le sujet est confondu avec un agent actif, etc., c'est pas possible d'y accéder, puisque ça se passe par en dessous, et il faut renverser une perspective. Alors là, il précise bien que chacun fasse référence à sa vie. Voilà, c'est en ça où ce n'est pas une Weltanschauung. Quotidienne. Oui. Sa vie quotidienne. Alors là, il ne dit pas, il dit à sa vie, mais c'est effectivement sa vie quotidienne, puisque ça, c'est la différence justement entre ceux qui, alors la majorité des psychanalystes, je dirais, font l'hypothèse de l'inconscient, mais ne croient pas en l'inconscient. Parce que quand on croit en l'inconscient, on n'est pas juste d'en faire l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on s'y met soi-même dedans. On n'en est pas exclu. Et c'est là où il y a la fameuse phrase, c'est vrai qu'elle ne convient pas, Patrick insiste là-dessus, il a raison, pour définir la perversion, c'est-à-dire le déni fétichiste de Manoni, je sais bien, mais quand même. Mais là, on est là-dessus, c'est-à-dire ceux qui font l'hypothèse, qui sont dans des élucubrations intellectuelles, ne sont pas ceux qui croient en l'inconscient. Je me souviens d'un texte de Miller, il disait « tout le monde croit en l'inconscient ». Non. Lui, le premier, il n'y croit pas, parce que lui, il croit qu'il peut, il est au-dessus de ça. Donc, on voit bien qu'il n'y croit pas, parce que s'il y croyait, il se mettrait à l'intérieur. Or, il se met à l'intérieur. Ce sont des gens qui professent, il se moque des professeurs, Lacan, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans des positions où ils donnent des leçons aux autres, mais eux ne sont pas concernés par ces leçons-là. Donc, que chacun fasse référence à sa vie, c'est-à-dire que le seul universel accessible à nous, accessible, c'est le sujet, et donc c'est un universel singulier, c'est-à-dire que c'est un universel en négatif. C'est pour ça qu'après on rejoint l'analyse marxienne, mais sur un plan un peu plus élaboré, avec la définition du prolétariat chez Marx. Alors peut-être on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais ça c'est au programme, de toute façon on le reverra, puisque dans la troisième il en parle pas mal. Donc le mode de jouir, le jouir de l'être parlant, c'est par là qu'il s'articule. Évidemment, c'est l'identification aux symptômes. Bon, vous l'avez tous compris, puisque vous avez suivi la troisième. C'est-à-dire que, finalement, la seule identification à laquelle on est axé, c'est à son propre symptôme. C'est vraiment la seule chose à partir de laquelle on peut dire « je suis ça ». Voilà. Ensuite, donc, j'ai repéré donc, le désir par rapport au manque. Donc, l'être se mesure au manque propre à la norme. Donc là, on est sur la définition freudienne. Hein. Il n'y a pas de normes sexuelles. Donc c'est bien pour ça qu'il y a des normes sociales. Mais ça ne vaut rien du point de vue de l'être. Absolument rien. C'est un montage, une espèce de montage totalement rocambolesque. C'est une espèce espèce de truc, voilà, c'est comme ce que vous lisez dans les médias, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Et ça n'a rien à voir avec l'être, bien sûr, puisque l'être, on y accède exclusivement par le sujet, c'est-à-dire par la parole, et par les vides et les manquements de la parole. Alors, à savoir que chacun se débrouille très mal sur sa vie sexuelle, ben ça, on l'a un peu abordé la dernière fois, c'est-à-dire qu'évidemment, dès qu'on est dans le sexuel, il y a une chute de la parole, puisque on n'est plus là dans une espèce de je dirais, le fantasme habermasien de l'intersubjectivité. Puisque là, il y a toujours un sujet et un objet quand on est sur ce plan-là. Puisque l'autre sexuel, il est la chose elle-même, le représentant de la chose. Donc, il y a une oscillation sans arrêt d'une dialectique de sujet-objet. Il n'y a pas de sujet à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. Donc, la façon de saisir l'ambiguïté, le glissement de l'approche de la sexualité, alors bon, peut-être après, une fois que tu auras parlé, j'essaierai de revenir un peu là-dessus pour préciser un peu. Donc, on ferait mieux de dire des êtres parlés. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, c'est du discours qu'il habite que procède l'appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun, c'est-à-dire que exclusivement par la parole que ça se passe. C'est impossible autrement. Alors là, on a ce petit passage merveilleux sur le discours de la science. Alors, on l'a déjà vu, grâce à l'écoute analytique, Lacan parvient à dégager cette matrice des discours. Et bien que le discours de l'analyste soit le dernier arrivé, il n'invalide pas les autres discours, mais il montre leur fonctionnement. Et le discours de la science, on l'a vu plusieurs fois, arrive aujourd'hui à un point où, c'était en 73 déjà, il dit que ça a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. Donc vous imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est irrespirable sur le plan psychique. Je veux dire, regardez, passez votre temps à regarder les actualités, c'est absolument irrespirable. Il ne faut pas vivre en étant pénétré de trucs aussi monstrueux que ça. Mais en plus, c'est devenu irrespirable physiquement aussi. Parce que, bien sûr, les gens merveilleux qui nous gouvernent dans la rationalité logique qui fait que ces gouvernements sont là, par exemple, ont privilégié massivement le diesel pendant des années. Et donc aujourd'hui, quand il fait beau à Paris, eh bien, il y a des milliards de particules fines qui empoisonnent l'humanité. Donc c'est l'empoisonnement a pris des proportions considérables. C'est pas seulement psychique que c'est empoisonnant, c'est vraiment au premier niveau, au premier degré, c'est l'empoisonnement. Et donc, ben, la psychanalyse, elle est là, comme il le dit, sur un mode compensatoire. C'est un poumon artificiel, c'est-à-dire essayer de trouver assez de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. Parce que, comme le sujet est pris dans ces signifiants-là, dès qu'il se laisse prendre dans le discours, et on revient au début, en fait, il est signifié par ce discours-là. Donc, il est signifié par les impasses de ce discours. La possibilité du discours analytique, c'est de proposer à l'analysant qui va faire le travail lui-même, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, c'est l'analysant qui fait le travail de sortir de ces impasses-là dans lesquelles le sujet est pris. Pour cela, l'analyste a un rôle crucial, qui est un rôle d'interprétation, et l'interprétation, ça, c'était la dernière séance, je crois, ou l'avant-dernière, ce n'est pas de nourrir le sens, c'est au contraire d'assécher le sens. Donc, l'interprétation ne peut être que sur l'équivoque, c'est-à-dire faire dériver, dérailler la chaîne signifiante, et éventuellement greffer quelques signifiants au passage pour permettre justement que l'aventure continue, puisque sinon le sujet est pris dans cette impasse. Donc ensuite, on arrive à la petite pique, bien sûr, sur la poubellication, c'est-à-dire que justement, la psychanalyse, c'est la pratique, et la pratique, c'est la parole. Donc aujourd'hui, évidemment, la parole n'a plus aucun droit de cité, puisqu'on l'a déjà vu aussi dans les congrès psychanalytiques, il faut faire son texte 3 jours à l'avance, et il faut s'en tenir au texte, il faut lire, etc. Donc il n'y a plus de lapsus, de mots d'esprit, de rêve, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réel. Donc s'il n'y a plus de réel, il n'y a plus d'inconscient. Et s'il n'y a plus d'inconscient, il n'y a plus de psychanalyse non plus. Donc il y a des congrès de psychanalyse qui se tiennent comme ça, où ils lisent des textes, et ça s'empile, et ça ne sert à rien, puisque c'est anti-psychanalytique au dernier degré. Donc ça, déjà, il le dénonçait quand même en en 73, quoi. Aujourd'hui, on est en 2015. Ça n'a fait que s'empirer. Oui, il avait déjà prévu aussi, puisqu'il a dit que c'était les psychanalystes qui étaient un symptôme, hein, qui croissaient et se multipliaient. Ouais, c'est effectivement ça. Donc, c'est un constat assez rude, lucide, mais pas pour autant pessimiste, hein, parce que c'est pas du tout un pessimiste, Lacan. Mais il dit les choses, justement. Il dit ce qu'il a à dire dans cette petite interview. Il y en a beaucoup. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc peut-être... Tu as tout repris, c'est bien, c'est très bien. Moi, je voudrais d'abord... Je vais repartir d'un autre point, c'est que je m'aperçois de plus en plus, parce que, bien sûr, je suis aussi les choses sur Google et un peu partout, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux enregistrements. C'est aux enregistrements des séminaires. Et qui font des remarques tout à fait importantes, pas seulement dans le fait que certaines transcriptions sont erronées, mais dans le fait qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire que cet enseignement, qui a été un enseignement parlé. Hein. Et vous avez vu comment ça se passe dans cette interview, comment il a du mal à démarrer, d'accord. Il n'a pas encore trouvé son ton, sa voix. C'est-à-dire que lui, il parle d'habitude dans un séminaire à des gens que... Il a l'habitude de voir, il les connaît pour un certain nombre, puisqu'ils sont en analyse chez lui, enfin tout ça. On voit la difficulté qu'il a à se poser là, déjà. Mmh. Alors, ça, c'est juste une petite remarque latérale comme ça, mais qui a son importance du fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à partir des enregistrements. Donc ça, c'est un premier point, parce que Dieu sait... si vraiment c'était complètement évacué. Et je note justement dans ce texte, je m'en étais pas aperçu, qui a été publié, donc, à l'époque, il y a tout un passage. Alors, je pense que ça, c'est... Moi, j'ai la bande originale de France Culture, mais avant, j'avais la mienne. Il y a un passage qui a été entièrement gommé, là. C'est-à-dire que, justement, le moment où il dit que il a parmi autour de lui des gens qui commencent à l'entendre et à le suivre et à donner des choses, oui, qui lui permettent d'avancer. Alors je pense que, en particulier, je pense surtout à Souris, si Souris n'avait pas été là pour l'aider à travailler dans le champ du Neuboroméen, parce qu'on est là au début de l'entrée dans la dynamique et la logique du Neuboroméen, même la structure boroméenne. Il dit des choses comme ça, donc effectivement tu as raison de souligner que c'est pas quelqu'un de pessimiste. Il n'a jamais été pessimiste, Lacan, jamais. Alors il y a deux points qui me paraissent importants, c'est que effectivement, en reprenant Freud, parce que vous voyez bien qu'il s'accroche tout le temps à Freud, tout le temps, hein, même s'il dit des choses différentes, il y a toujours Freud à l'horizon, et il retourne toujours à Freud, parce que il dit que Freud, contrairement à tous ceux qui l'ont suivi, y compris lui-même, Freud savait. Hein, parce que c'est lui qui a inventé le truc. Et donc on ne peut pas se passer du texte de Freud, parce que à cette époque-là, les gens lisaient plus Freud. Hein, c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est parce que Lacan a insisté tout le temps là-dessus, qu'en France, petit à petit, les gens se sont remis à lire Freud, et bien entendu, à le retraduire. Mais par exemple, moi j'en avais parlé un peu ici, j'avais rencontré une analyste allemande qui venait d'être nommée analyste à l'IPA et tout, et je lui avais dit, mais vous avez de la chance de pouvoir lire Freud en allemand. Elle m'avait répondu, mais non, Freud, on ne le lit plus, il est dépassé. Hein? Voilà. Alors, deux points là. Premièrement, c'était la première fois qu'il le disait comme ça, qui a été très surprenant quand on l'a entendu, la psychanalyse n'est pas une science. Parce qu'il était sur la voie du mathème. Hein? Et son mathème, c'était tous ses discours, c'était une façon de dire, il avait une volonté de transmission intégrale. Là, il revient dessus. Et d'ailleurs, il va dire un peu plus tard, l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Autrement dit, il ne fait pas un usage du neuboroméen comme les mathématiciens le font actuellement. Il s'en sert comme vraiment d'un truc de sa pratique. Hein. Il faut le tripoter, il faut l'avoir, et comme il avait parlé de le reconnaître dans le noir, c'est une façon de dire on le manie en gros. Hein. Ça, c'est un premier point, parce qu'il est en train de basculer sur un nouveau registre de son enseignement, qui est le retour, une fois de plus, et Dieu sait s'il l'a répété, pour retourner au parler. Il n'y a pas de pensée qui ne fonctionne autrement que par la parole. C'est quand même nouveau, c'est pas ça qu'on nous dit habituellement. La pensée, on a plutôt tendance à croire qu'il faut écrire des trucs et puis les articuler, être vachement logique. Il y a de la pensée là-dedans, mais lui, il le prend autrement. Hein. Comme tu l'as souligné, on se croit en droit de rêver, mais non, on est rêvé. Et ça, c'est, je trouve ça formidable. On est porté par le rêve. Moi, je trouve ça extraordinaire de l'avoir dit comme ça. Et puis, le deuxième point que je voulais souligner, c'était à propos du rapport à la sexualité, où le vrai scandale de Freud, on l'a pas repéré tout de suite, ce n'est pas qu'il ait parlé du désir sexuel, ce n'est pas qu'il ait même dit que les hommes, les êtres humains, étaient omnibulés par leur sexualité, ce n'est pas non plus parce qu'il a dévoilé quelque chose de la sexualité infantile. De toute façon, toutes les mères de famille savent très bien que leur petit enfant a un gros intérêt pour la sexualité et pour tout ce qui leur arrive autour de ça. C'est que l'homme, il est en difficulté avec la sexualité. Et ça les gens ne supportent pas. Quand on fait des enquêtes sur la vie sexuelle des gens, surtout aux États-Unis, c'est des grands spécialistes, 95% des Américains sont contents et satisfaits de la vie sexuelle qu'ils mènent. Donc, y a rien. C'est vraiment comme ça que ça se dit. Hein. C'est très rare que des gens viennent vous dire, écoutez, finalement, ça ne marche pas si fort que ça. Mais ça ne marche pas si fort que ça parce que c'est un fait de structure. Hein. Pourquoi ? Parce que, qui sait ? Voilà la question que pose Lacan en trois pôles. Qui sait ? Qui sait tout ? Bon, on ne sait pas. Donc, d'où ça vient, ce savoir, comme ça, qui s'étale un peu partout, d'où ça vient, personne ne le sait, on ne sait pas comment ça se constitue. Vous voyez, déjà, c'est une question posée de savoir qu'on ne saura jamais ce qu'est l'origine du langage. Hein ? Alors, comme il parle de l'être suprême à l'horizon, on comprend pourquoi, à la place de ce qu'on ne sait pas absolument, on met un être suprême et on met Dieu, bien entendu. C'est-à-dire, les philosophes, ils ont des dieux, les savants, ils ont des dieux, et puis les religions ont des dieux aussi. Hein ? Ça, c'est le point. Donc, d'une certaine façon, le sujet s'indétermine dans le savoir. Là, c'est le deuxième point. C'est-à-dire, d'une part, qui sait ? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça constitue. Le sujet, qui est un effet du langage, s'indétermine dans le savoir. Pourquoi ? Parce que Lacan ne définit pas le sujet, mais il donne une définition du signifiant. Le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sujet représenté par un signifiant, S1 par exemple, finalement, il se fige dans le signifiant. Autrement dit, il disparaît. Hein ? Il se mortifie dans le sujet, ce n'est pas un être. Le sujet, il est représenté par un signifiant qui le fige, donc il y a un effet de mortification pour un autre signifiant qui, comme par hasard, ne le représente pas. Donc le sujet, on pourrait dire que par définition, on ne pourra jamais le substantiver. Hein ? Il sera toujours, comme il le dit un peu plus tard, une fente. Il n'est même pas entre les signifiants, il n'est même pas entre l'énoncé et l'énonciation. Il est ouvert, il est entre-ouvert, voilà ce que ça veut dire. Donc on ne peut pas entifier le sujet. Bien entendu, quand nous on parle, et même Lacan aussi, de temps en temps, il parle du sujet du signifiant, puis de temps en temps, il parle du sujet commun, c'est-à-dire la personne. Hein. Donc il faut faire attention dans le contexte pour arriver à suivre son raisonnement. Donc ça détermine dans le sujet, et où il trouve sa nouvelle certitude. Parce qu'il faut quand même qu'il trouve une certaine certitude. Tout le monde est à la recherche d'une certaine certitude. Chez Descartes, c'est le doute méthodique. Lacan, il dit qu'il trouve sa certitude, justement, que nous ne connaissons plus à notre époque, dans l'impossible. C'est-à-dire que quand on bute sur un impossible, là, on touche à quelque chose d'une certitude. On ne sait pas ce que c'est, mais au moins, on a quelque chose qui est sûr. Or, vous savez bien que nous avons eu un président de la République qui nous avait dit à l'époque, tous ensemble, tout est possible. Hein. Vous voyez que les impossibles des discours que Lacan est en train d'avancer ont été complètement balayés par les effets du discours capitaliste. Hein. Voilà. Bon, c'est des petits points comme ça, puis je reviendrai sur d'autres points. Justement, par rapport à la notion de sujet, puisque c'est ce qui ouvre la troisième, donc c'est son interprétation de Descartes, « Je pense, donc je suis ». Donc, lui, il le traduit « Je pense, donc se jouit ». Pourquoi il parle en termes de sujet ? Il parle en termes de sujet, c'est très simple, c'est parce qu'il répond à la question freudienne. « Wo es war, soll ich werden ?» Donc, quel est ce « i » ? Donc, c'est de là que ça part. Et la notion moderne du sujet de l'analyse, c'est justement... Alors, c'est là où il y a une très grande confusion, parce qu'on dit l'analyse, ça ramène tout au sexe. Et donc, tout est sexuel, etc. Alors, c'est une absurdité radicale, puisque c'est absolument l'inverse qui se passe. C'est qu'auparavant, dans la sagesse, entre guillemets, antique, on est sur des principes cosmiques masculin, féminin, l'ombre et la lumière, le yin et le yang, l'actif et le passif, etc. Donc on est dans une pensée anthropomorphique où justement on est dans un rapport sexuel, c'est-à-dire le monde est représenté comme un grand truc sexuel avec des rapports qui s'interdéfinissent entre eux et qui se complémentent entre eux, dont le yin et le yang est la représentation la plus manifeste. Or, justement, le fait d'instaurer un sujet moderne, c'est-à-dire qui se définit indépendamment de ces choses-là, c'est-à-dire qui se définit par un pur automatisme signifiant, c'est-à-dire inhumain, donc ça n'a rien à voir. Et il dit que c'est le sujet de la science qui va se résumer à des formules. Donc on est dans une espèce d'exil d'un seul coup, de ce fantasme copulatoire du yin et du yang, de ces trucs-là, etc. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la modernité, on arrive à quelque chose où l'autre, justement, est dans sa radicale altérité, quelque chose d'inhumain, mais pas au sens d'un être suprême avec lequel il serait possible d'entretenir plus ou moins des relations. Là, c'est très difficile et très angoissant. Donc c'est pour ça aussi qu'on assiste à une recrudescence avec tout le New Age, tout cet obscurantisme-là, la pensée écologique, par exemple, est de cet ordre-là. C'est comme si la Terre avait des bons plans pour nous, etc., et qu'on était venus, et qu'on avait pourri le système, etc., mais qu'au fond, il y avait quelque chose de bon, etc. Lacan, il voit très clair là-dessus, c'est-à-dire que le réel, pour lui, c'est le pur non-sens, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Le réel, c'est quelque chose, comme on l'a vu la dernière fois, qui est effrayant par le fait que sous cette couche de sens où il faut donner du sens à tout, donc au prix des approximations lexicales et syntaxiques les plus ébouriffantes, comme on voit dans la presse, où tout est nommé de manière absolument extravagante, les mots ne veulent plus rien dire, mais tout le monde se nourrit de ces mots-là, en fait, sous cette couche-là, il y a un réel de non-sens. Ce réel de non-sens, il est accessible, mais pour chacun, c'est-à-dire dans l'aventure singulière de l'analyse par rapport à son propre sujet. Parce que chacun, justement, a un sujet qui est pris déjà dans les discours. Donc remonter à la manière dont le sujet est pris dans les discours va faire remonter du réel, justement par les rêves, les accidents, les actes manqués, les lapsus, etc. Donc l'aspect de la sexualité, comment il se perd dans la sexualité, bon. C'est pas un pansexualisme. Freud, voilà. C'est pas un pansexualisme. C'est l'inverse. C'est un asexualisme. Ça permet de sortir du pansexualisme. Et on voit d'ailleurs le truc mariage pour tous, etc. Ça ramène des principes masculins et féminins. Ça ramène ça, c'est des hommes, des femmes, etc. Alors qu'on était sortis de là. C'est-à-dire que c'est une régression. C'est pour ça que c'est porté par des valeurs qui sont obscurantistes et rétrogrades, réactionnaires, parce que c'est un refus de la rigueur avec laquelle le sujet de la psychanalyse, qui est justement pas le sujet de la psychologie, qui n'est justement pas le sujet de la science. Parce que pour la philosophie, la psychologie, etc., le sujet qui est assimilé à une personne, en fait, sa sexualité est pragmatique, contingente. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un sujet, et ensuite, il y a sa sexualité, etc. Alors que pour la psychanalyse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la sexuation, c'est-à-dire la castration, hein, et donc le choix forcé qui vient constituer la possibilité du sujet, parce que le sujet, il n'est pas encore là, quand même. Il y a juste les conditions de la possibilité du sujet, à ce moment-là. Mais ça passe par la sexuation, c'est-à-dire, c'est, au départ, il y a une sexuation, et il y a un choix, donc, qui va sexuer le sujet. Et ça, ça n'a pas de rapport avec le monde symbolique, etc., avec la société, c'est quelque chose d'autre. Et ça ne peut être remonté, cette filière-là, que par chacun, par l'aventure de son propre sujet. Donc c'est la vie quotidienne de chacun. Donc on voit très bien que qu'est-ce qu'on fait quand on se nourrit d'informations à longueur de journée et qu'on passe son temps à véhiculer les informations des autres, on oublie sa propre vie quotidienne. Kafka disait que le seul mal qu'il connaissait, c'était le divertissement, se divertir de soi-même, se divertir du sujet. C'est déjà un principe grec et romain, mais qui n'a jamais atteint cette ampleur-là, puisque maintenant le sujet lacanien a été défini comme cette possibilité de sortir et de se situer dans les discours. Il y a une phrase importante là quand même, par rapport au sujet et par rapport à l'être parlant, parce qu'il distingue le sujet du signifiant, hein, de l'être parlant, dont il dit qu'il est parlé en fait, hein. Donc il joue sur le registre, et il dit bien retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Ça veut dire qu'il y a une jouissance qui est accessible, qui permet de continuer à vivre, et puis il y a une jouissance mortifère. Voilà. Le trop de jouissance est mortifère. Ça, c'est important. Et il a déjà introduit, au moment où il fait cette interview en 73, le terme de par-l'être. C'est par, alors, le par-l'être, ça vient se substituer au terme de sujet, pour rompre avec l'ambiguïté que le terme de sujet introduit dans les discours et dans la pensée, puisque ça existe depuis toujours, le terme de sujet. Ça lui permet de faire une distinction. Le par-l'être pour Lacan, c'est l'individu, voilà, qui a un corps, un nom propre, une jouissance spécifique et un symptôme. Autrement dit, c'est chacun un que nous sommes avec une existence finie. Hein. Il ne parle pas d'absolu, d'après la vie, d'avant la vie. Et vous avez remarqué qu'il note très bien que l'inconscient, ça n'a rien à voir avec les théories des pulsions de la vie, des notions de pulsions de mort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des rajouts de Freud, à partir de 1920, dans la seconde topique. Ce n'est pas ça. Et Lacan va aborder ce champ-là des pulsions par le biais des catégories de la jouissance. Hein, il va venir là-dedans. C'est-à-dire que petit à petit, là, il est en train d'élaborer de façon de plus en plus précise ce qu'il a extrait à partir du séminaire de l'éthique de la psychanalyse, de ce qu'il entend, lui, par la notion de jouissance. C'est-à-dire quelque chose qui se situe au-delà du principe de plaisir, une jouissance qui va de la chatouille à la flambée tout le corps, donc mortifère. Donc voilà où il avance Lacan. Alors à propos de la pulsion, quelque chose qui est complètement passé inaperçu, c'est que, bon, déjà Freud l'a dit, la pulsion, elle n'a jamais été observée phénoménologiquement. On n'a jamais observé la pulsion nulle part. Hein. Elle n'existe pas, la pulsion. C'est une construction d'ailleurs, c'est une construction langagière en plus. C'est même le lieu de la castration, la pulsion. C'est bien situé sur le graphe du désir, et la jouissance que l'on obtient dans la pulsion, c'est une jouissance ordonnée par la loi. Ça va pas très loin, la satisfaction. C'est pour ça qu'on parle de satisfaction de la pulsion. La jouissance, ça va un peu plus loin. Bon, Lacan reprend ça, et petit à petit, il va faire glisser la chose. Freud aura dit à un moment donné, en 1930, que les pulsions sont des êtres de mythe, grandiose dans leur indétermination. Donc il se doute de quelque chose, Freud, de ce qu'il est en train d'élaborer avec la pulsion. Il a loupé sa métapsychologie, c'est un échec. Il le dit, il n'a pas pu élaborer une métapsychologie. Bon, il a collé à son inconscient ce ça-là qui vraiment nous emmerde beaucoup. Et Lacan, il va rompre à un moment donné, il va utiliser le terme anglais de « drive », il va définir la pulsion à partir de la traduction anglaise de « drive », et il va dire que c'est une dérive, la pulsion, c'est une dérive de la jouissance. Ce qui lui permet de faire comprendre pourquoi, quand une pulsion ne peut pas se satisfaire, le sujet se satisfait autrement. S'il ne peut pas se satisfaire en mangeant, il va se satisfaire en parlant, ou il va se satisfaire de façon différente. Très important. Laisse-moi finir, tu me coupes les ailes. Attends. Très important parce que c'est un tournant capital, ce truc-là. Hein. C'est un tournant absolument capital. Bon. Non, c'est juste que parce que tu parlais de la pulsion orale, c'est juste pour la différencier avec la pulsion sexuelle, par exemple. Il n'y en a pas de pulsion sexuelle, ça n'existe pas, puisque elle s'exprime, la sexualité, sous forme de pulsion partielle. Il n'y en a pas de pulsion sexuelle. Hein. Bien sûr que ça a été élaboré par des analystes, mais justement, chez Freud, il le dit bien, il n'y a pas de pulsion unitaire sexuelle. Au niveau du sexe, justement, il n'y a pas de pulsion, tout simplement parce qu'il n'y a pas de coupure. Hein. Parce que au niveau de ce que je veux dire, oui. Hein, la sexualité, oui. elle vient comme étant simultanément ce qui est toujours en excès, c'est-à-dire n'importe quelle situation peut être lue dans un sens sexuel. C'est-à-dire qu'elle vient dans sa capacité. Excessive, colorer toutes les possibilités de situation. C'est-à-dire qu'on peut interpréter n'importe quel discours comme ayant une connotation sexuelle. Mais ça marque bien le fait qu'elle est inconsistante. C'est-à-dire que cet excès-là, qui fait que, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans un état où il ne serait plus sollicité sexuellement, etc., va se mettre à étudier les mathématiques, les mots dans les mathématiques vont prendre des connotations sexuelles, c'est-à-dire que le refus de la jouissance va se métamorphoser en jouissance du refus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que cette pulsion-là particulièrement, même si on ne peut pas l'appeler vraiment pulsion sexuelle dans le sens où ce n'est pas unitaire, mais c'est quelque chose qui préoccupe parce qu'elle est inconsistante, c'est-à-dire elle ne peut jamais atteindre son but. Ne pouvant jamais atteindre son but, elle va être excessive parce que inconsistante. Ça, c'est un paradoxe, mais qui définit le fait que ça bafouille là, justement. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est toujours répété, mille fois répété, parce que même en tant qu'angoisse réussie, ça aboutit à un orgasme, mais ce n'est pas un aboutissement définitif. Donc, il y a toujours le fait de tourner autour, et parce que c'est la dimension la plus représentative de cette dualité de l'excès et du manque qu'on retrouve sur la bande de Möbius. C'est-à-dire que quand il y a un excès, ça ne veut pas dire que il y a toujours un manque, mais l'excès et le manque ne peuvent jamais se combler l'un l'autre, puisqu'ils sont le recto et le verso d'une même chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au fait qu'une pulsion orale, par exemple, elle pouvait être vécue de manière différente qu'une espèce de préoccupation sexuelle, le fait d'être obsédé sexuellement. Voilà, les hommes sont obsédés. Freud s'interroge, il se demande comment se substituant par exemple à la pulsion invocante, d'ailleurs lui il n'en parle pas, Freud, de la pulsion invocante, mais je le dis ici, peut se trouver sa satisfaction dans une pulsion orale à la place. Donc il invente un mythe fluidique qui est la libido. C'est par la libido qui permet d'expliquer les transferts de la jouissance d'un pôle du... Mais même le corps en entier lui-même peut être une zone érogène. Le corps en entier, hein, pas simplement au niveau des différents organes typiques de la pulsion, hein, le regard, la voix, l'oreille et la bouche, c'est que vraiment c'est tout le corps peut s'enflammer et être une zone érogène. Tout ça, c'est des choses comme animal, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Voilà. Et surtout, on voit qu'on a du mal, parce que c'est alors, Lacan lui-même, mais nous, après, c'est tellement simple, on essaye de parler et on fait que tourner autour sans arriver à le dire et se contourner, alors que c'est tellement simple, on est tout le temps dérivé, on s'aperçoit là qu'on est dans une forme de jouissance qui nous éloigne de ce qu'il faudrait arriver à dire. Mais quand on voit que Lacan lui-même n'y arrive pas, bon, moi j'essaye de dire un truc là, mais c'est impossible à dire sur le sexuel. Tu veux continuer? Tu veux me sauver de cette déchéance? Te sauver de quoi? De mon incapacité à dire correctement. Non, je préfère que tu bafouilles un peu. Bon. Alors, ce qui me... Oui, tu l'as noté, c'est important, là. On a toujours reproché à Lacan, depuis le début, de ne pas parler de l'affect. Alors qu'il a fait un séminaire entier sur l'angoisse, déjà. Hein. Il a passé un an à parler de l'angoisse pour expliquer que c'était un affect qui se particularisait, d'être le seul... Qui ne ment pas. Qui ne ment pas, hein, qui était une indication du réel. Donc, quand il situe ça comme étant... on ne repère l'affect que par le discours. C'est-à-dire que ça a été déjà dit. Si on n'a pas le mot amour, on ne sait pas qu'on aime. Il y a des gens qui ne savent pas. On entend ça tous les jours. Un homme, une femme, ils ne savent pas s'ils aiment quelqu'un. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui se joue pour eux. Hein. Mais évidemment, on peut arriver à un moment donné à dire ben, c'est de l'amour. Hein. Et Dieu sait si vous savez tout ce qu'on a pu écrire sur l'amour. Hein. Alors, parler d'amour quand on est amoureux, c'est impossible. Ou alors c'est obscène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens parmi les analystes qui parlent de l'amour en savant. Ouais. Et quand on les lit, on s'aperçoit qu'ils aiment personne. Ils ont beaucoup de mépris. Ouais. Alors que chez Lacan, l'amour c'est quelque chose de fondamental, puisque l'amour, il le définit comme étant l'imaginaire spécifique de chacun, donc il le rapporte au corps, c'est ce qui permet de donner consistance au réel comme impossible à écrire et à dire, en gros, et que c'est ce qui permet de nouer le réel au symbolique. Alors, je vais l'illustrer en décalant un peu les choses. Quand le nourrisson vient au monde, le bébé, le petit bébé, là, en fait, qu'est-ce que c'est quand on voit le bébé les quelques heures après sa naissance, c'est en fait une pulsation de la vie, hein. C'est une espèce de chose, c'est du réel, ça crie, ça dort, ça crie pendant quelques heures, et l'enfant, il a tout de suite affaire, en fait, à la mère comme symbolique, c'est-à-dire que la mère lui donne, en fonction de sa façon de faire, un rythme pour le nourrir, pour le faire dormir, pour le changer, et donc il a affaire à la fois au réel et au symbolique, hein, c'est ça qui lui arrive. Donc un corps réel pris dans le discours du côté de la mère, comme la mère étant nourricière. La mère nourricière, ça peut être un homme, bien sûr. Ça peut être aussi quelqu'un comme ça. Enfin, la mère, c'est différent. Bon. En tout cas, voilà. Donc, il est pris dans ce registre-là. Et ce qu'il va être amené à faire, bon, Lacan le situe comme un prématuré. Alors, au départ, Lacan pensait la prématuration corporel au sens organique du terme. Mais c'est pas du tout ça, c'est que il va dire que c'est en fait une prématuration liée au fait que comme il va être colonisé par les signifiants qui vont le découper en rondelles, donc en zone érogène, c'est ça la prématuration. Et le stade du miroir, c'est au moment du stade du miroir que l'enfant, appréhendant son image dans le miroir, au sens où c'est l'autre, bien sûr, il n'est pas obligé d'être devant un miroir réel. Il va donc se construire son corps, hein, son corps comme consistance imaginaire, et c'est ça qui va faire de lui ce qu'on appelle l'homme trinitaire, c'est-à-dire un nouage du réel de la vie qu'il était, hein, qu'il représentait. Il est vivant de son corps en tant qu'il a une forme de corps, c'est un organisme, or, c'est organisé d'ailleurs, hein, c'est ça, et puis de la parole par laquelle il est parasité. Hein. Il y entre par la lalation et il termine en sachant parler plusieurs langues, hein, y compris le chinois, le japonais. Voilà. Ça, le parasitage, c'est très important, voilà, par rapport à la notion qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est rêvé, porté par le rêve. Oui, c'est que le parasite est exogène. C'est-à-dire que le langage, c'est quelque chose qui est exogène. Donc il n'y a pas cette espèce d'anthropomorphisme. Parce que l'anthropomorphisme, ça va loin. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme, ça va permettre justement de représenter la société comme un corps humain, avec sa tête, c'est-à-dire les dirigeants, ses mains, qui sont les ouvriers, etc. Et donc là, on voit qu'on est dans un pur délire anthropomorphe. Et justement, le sujet, dès qu'il y a le sujet, parce que là, on va rejoindre après la partie marxienne de Lacan, qui est quand même très intéressante, parce que c'est une lecture de Marx radicale, hein, et au plus proche du texte, comme quoi, en fait, effectivement, ce sujet-là, le sujet, c'est que nous sommes tous prolétaires. Tous prolétaires, on revient au début du texte, c'est-à-dire que nous n'avons pas de quoi faire lien social. Nous sommes privés de lien social. Dans notre période, dans notre temps. Oui, hein, nous n'avons pas de discours. C'est pas de toujours. Non, c'est parce qu'il définit le monde féodal, où justement il y a une conjonction entre la fonction, c'est-à-dire il y a le seigneur, le serf, le prêtre, etc., et il y a une coïncidence de la fonction avec la parole qui émane de cette fonction. C'est-à-dire que là, dans la société de type contractuel, c'est-à-dire où tous égaux, mais il y a un mensonge qui se cache, là, c'est qu'il y ait que, comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que les autres, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. On signe des contrats. Voilà. C'est pour ça qu'on convoque les avocats américains. Voilà. Quand on a des ennuis. Et cette notion de sujet, c'est justement ce qui peut nous permettre de retrouver la jouissance pour que l'histoire continue, c'est effectivement la possibilité de faire lien social. Et là, on rejoint un petit peu encore un des moments clés de la troisième, sur le fait que le lien social, c'est vraiment... c'est pas le lien que l'analysant fait avec l'analyste, c'est le lien que l'analysant fait avec le couple analysant-analyste. C'est-à-dire que même son analyse finie, il est toujours dans une analyse. Donc, il est dans une capacité à ce moment-là de faire vraiment lien social, puisqu'il n'est plus dans la projection imaginaire et il est sorti de cette espèce d'obligation d'être dans des relations de séduction, de soumission, de domination, etc., puisque être dans une relation de ce type-là, ça lui permet de faire lien social avec d'autres qui sont effectivement déjà plutôt orientés dans ce sens-là. Donc le reste ne l'intéresse pas. C'est en ça que ce n'est pas une Weltanschauung. C'est-à-dire que c'est universel, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde, ça veut dire que chaque sujet est convoqué à y aller lui-même. Il n'y a personne qui va le faire à la place de personne et ça ne peut pas être une imposition collective. Il n'y a pas un État qui peut décider de ça et de ça. Donc dès qu'on prend... fait et cause, par exemple, pour la logique d'un État, on est hors psychanalyse, forcément, quel que soit l'État, hein, puisque on est hors la possibilité du discours analytique. Le discours de l'analyste, c'est la seule possibilité, et donc normalement les analystes sont censés, ce qu'ils font rarement quand même, il faut bien reconnaître, se mettre au service le plus souvent possible du discours de l'analyste qui justement permet de faire lien social. Et donc on sort de ces relations éternelles de jalousie, de domination, de soumission, d'envie, tout ce qui est généré par le discours, le disque hors-courant, comme dit Lacan dans la troisième, comme un disque qui tourne sans arrêt et qui fonctionne en boucle dans tous les médias en permanence. Voilà, donc l'analyse, plus que jamais, constitue une possibilité de poumon artificiel pour sortir de cet empoisonnement discursif. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils publient les vidéos des mecs qui se font décapiter, ils sont eux-mêmes partis de ce truc-là. Et c'est depuis la belle âme de Goethe ou de Hegel, on ne peut pas croire qu'on fait quelque chose sans y être soi-même convoqué. C'est comme si on voyait le monde de l'extérieur, de la fenêtre du balcon, etc. C'est pur fantasme, ça, d'être un regard désaffecté. Dès qu'on intervient quelque part, on fait partie de la chose dont on intervient. C'est obligatoire. Donc, on voit qu'au plus la société avance, au plus les médias vont être de plus en plus présents. Vous avez vu, comme dans les films de Philippe K. Dick, vous avez des publicités qui vous parlent personnellement dans les aéroports. Et tout. On est déjà là-dedans. Donc, avec Internet, maintenant, ça devient... C'est comme si chacun s'improvisait journaliste, relayeur, des trucs comme ça. Et après, franchement, il suffirait que plus personne au monde ne passe la moindre vidéo de décapitation. Il n'y aurait plus de décapitation, puisque ça ne sert que à ça. Ça ne sert... C'est utiliser la mise en scène. C'est que ça. Il faudrait qu'ils trouvent autre chose. Bon, bah, c'est leur problème de trouver autre chose. Mais déjà, contribuer à faire ça... C'est justement ne pas savoir dans quel discours on est pris à ce moment-là. Ça, c'est... On est pris dans un discours quand on fait ça. Dès qu'on contribue à quelque chose, on est pris dans un discours. Que vous vouliez ou non, c'est comme ça. Vous indignez, alors c'est la mode de l'indignation, tout le monde s'indigne. Mais les indignations, ça n'a jamais fait avancer rien du tout. Hein. Il n'y a jamais rien qui a été réglé par l'indignation. C'est une espèce de truc maintenant. Non, il faut être digne, au contraire. Digne. C'est le contraire d'indigner, c'est-à-dire ne pas être indigné. C'est refuser, il faut dire non, refuser certaines choses. Voilà. Ça, l'exemple type du discours. Voilà. Le discours, c'est ça. Savoir dans quel discours on est pris, dès qu'on rentre là-dedans, on est pris dans le discours. Vous ne pouvez pas être en même temps intérieur et extérieur. Sinon, vous êtes dans un pur imaginaire. Alors, il y a une phrase qui est tout à fait extraordinaire, là, c'est... Avec tout ce qu'on dit, c'est qu'il dit que chez l'être humain, tout est livré à la fortune. Je trouve ça absolument extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que rien n'est prévisible pour chacun. Il y a toujours des contingences qui vont venir, qui vont donc nous mettre en mesure de faire des choix. Hein. On peut se tromper, mais tout est livré à la fortune. Donc lui-même, son enseignement, il n'a pas cherché à le protéger, vous comprenez ? Il a fait cet enseignement oral, comme ça, il a lâché ça, et puis ça deviendra ce que ça pourra devenir. Alors c'est très intéressant, parce qu'il dit à un moment donné qu'au point où ils en sont, les psychanalystes, s'ils s'en aperçoivent pas, les politiques vont mettre la main dessus. Alors là, on voit bien comment petit à petit, il y a des analystes qui se mettent à parler de choses politiques, machin, plus ou moins floues, qui n'ont strictement aucune efficacité du point de vue du débat social. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est des espèces d'écrits plus ou moins sociaux, historicaux, machin, truc chouette. Hystéricaux, oui. Hystérico, si c'était hystérico, ouais, ça serait mieux. Ça serait mieux. Bon, ça ne l'est pas. Oui, il dit l'état d'insuffisance et voilà. De confusion où sont les analystes. Déjà à l'époque, mais alors maintenant... Maintenant, on va pas donner de nom, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'analystes qui sont complètement récupérés par le pouvoir politique. Ils ne savent pas dans quel discours ils sont pris. Ils ne veulent pas le savoir, en tout cas. Alors, il y a un projet chez Lacan par rapport à tout ça, c'est que il fait le constat d'une dégénérescence des liens sociaux du fait de, on l'a vu souvent aussi déjà, du fait de l'existence du discours capitaliste qui, soit dit en passant, n'est pas un discours tel qu'il le définit, c'est-à-dire avec des liens sociaux, avec des impossibles, avec une organisation logique, hein, on en a parlé souvent ici, c'est un discours où, voilà, ici, là, ces discours-là, on voit bien qu'il y a un sens giratoire, on ne peut jamais revenir à l'origine, dans aucun de ces discours-là. C'est-à-dire que du point d'origine, qui change à chaque fois, tandis que dans ce discours-là, on tourne en rond. Hein? C'est-à-dire que dans le discours capitaliste, rien n'est impossible. Et le sujet qui était là, le sujet divisé, on pourrait dire même, pourquoi pas, hystérisé par le discours capitaliste, eh ben, il se produit lui-même comme déchet. Et la cause de ce qu'il est comme sujet, c'est le déchet dont il s'est produit lui-même. Vous voyez bien que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors Lacan, il avait quand même le projet, il le disait, je ne pense pas, il dit qu'il n'y est pas arrivé, il aurait voulu pouvoir inventer des signifiants nouveaux qui soient un peu moins cons que ceux qui étaient précédents, et qu'il n'y est pas arrivé, quoi. Alors, il y en a quand même, à mon avis, il y en a quand même deux. Il en a quand même inventé deux. Il a inventé la langue en un seul mot, ce qui lui permet d'évacuer la linguistique en disant que c'est une élucubration de savoir sur la langue. Ça a des conséquences capitales, puisqu'il réintroduit la notion du parler. Hein. Et puis, le deuxième terme, c'est quand même celui de par-lettre, hein, qui donne de la consistance, justement, à ce fameux sujet qu'on ne peut jamais saisir. Nous sommes sujets, mais on ne peut jamais s'attraper comme sujet. On ne peut jamais s'identifier comme sujet. Hein. Et ça, c'est... Alors, voilà, il oriente quelque chose de ce côté-là. Ça me paraît avoir une portée très importante et ça nous donne une indication de ce qu'on doit faire, nous, dans la vie sociale, c'est-à-dire faire des analyses. Quand on est analysant, faire son analyse. Et puis, il faut qu'il y ait là quelque chose qui tienne la route. Il se trouve que les analystes entre eux et entre écoles se bagarrent pour des raisons purement politicardes, purement pour des questions de marché du travail, et pas du tout au niveau des débats qui sont à la hauteur de Freud et de Lacan, quoi. C'est quand même ça qu'on voit. On s'aperçoit de ces choses-là quand même. Hein. Il y a une dégradation comme ça, tout à fait importante. Hein. Inventer des signifiants nouveaux, ben, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Récemment, il y a eu Charlie, mais ça ne va pas nous mener loin, Charlie. Hein. Parce que s'il y a une mobilisation sociale aussi massive, uniquement parce qu'il y a eu une véritable catastrophe subjective qui a consisté dans le massacre complètement fou de gens qui étaient, ils étaient plus lus, enfin les gens de Charlie, c'était pas lu, c'était... Il faut qu'il y ait un truc comme ça pour que... Il y a de l'émotion et que ça mobilise les gens, c'est quand même... On devrait être mobilisé tous les jours, toujours attentif à ce qu'on fait, hein. Alors, il y a deux champs de récupération de la psychanalyse. Moi, je reste limité à ça, parce que le reste, ça me paraît trop difficile à aborder, et puis c'est pas mon champ d'action. Elle est récupérée, d'une part, par la caution que les analystes donnent aux politiques. Moi, je trouve invraisemblable que des psychanalystes puissent dire qu'il faut aller faire la guerre en Libye, il faut aller faire la guerre en Syrie, il faut aller faire la guerre à tel endroit. Ça me paraît complètement fou que des analystes puissent dire ça. Comme citoyen, ça je les regarde, mais comme ce prévaloir de la psychanalyse pour parler de ça, ça me paraît complètement fou. Bon. Et grave, grave. Et puis il y a le second point, on y est revenu souvent, il y a un point où la psychanalyse se fait récupérer et d'une façon qui fait problème, c'est la psychanalyse à l'université. Hein? Alors, il y a quand même un compromis entre la psychanalyse et les psychanalystes qui enseignent à l'université qui fait question suffisamment grave pour que des analysants qui vont chercher un diplôme parce qu'ils en ont besoin pour avoir une garantie de travail à l'université, se rendent compte que tout ce qu'on leur enseigne à l'université, ça n'a aucune valeur dans la pratique qu'ils commencent à avoir quand ils travaillent en institution. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que les appuis qu'ils ont cru trouver dans ce discours melting pot entre psychanalyse et psychologie, ça ne tient pas la route. Ils sont effectivement confrontés avec la nécessité de réinventer une pratique qui sera la leur au fur et à mesure et dont ils trouveront sûrement les points d'appui. Hein. Ça me paraît tout à fait important de rappeler ça. Parce que Lacan, il en parle de la psychologie. Il dit simplement, il n'est pas contre, il n'est même pas contre la psychologie. Il va dire qu'après tout, dans la psychologie, il y a des structures, ils ont des structures d'approche. Enfin, c'est quand même une façon d'appréhender l'autre comme un objet qu'on observe. Hein, quand on fait des Rorschach, quand on fait des tests, on l'objective comme un objet et on le classe en fonction de ça. Il dit, dis-moi, je ne vais pas de ce côté-là, je vais du côté de la psychanalyse parce qu'il s'agit d'un nouage entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. C'est pour ça qu'il n'est pas du côté de la psychologie. C'est pas pour critiquer. Le discours universitaire, à la limite, il voudrait qu'il redevienne plus consistant. Il voudrait que l'université devienne un lieu de garantie du savoir et donc un lieu de formation des sujets. Pas de formation des futurs employés de l'industrie, machin, truc chouette. C'est ça qu'il voudrait, Lacan. Il voudrait que le discours politique retrouve une expression qui est un discours non pas surmoïque, mais un discours qui tienne compte du réel, de la vie d'un peuple, d'un pays, et qui donc a des positions tranchées à ce niveau-là. C'est ça qu'il cherche à obtenir. Hein. Il voudrait. C'est pour ça qu'il a un moment donné, puisqu'il parle du discours de la science pour lequel c'est devenu invivable, Diesel. Il y a une marque de vêtements, hein, très répandue. Il y a même un acteur qui s'appelle, je crois, Diesel, hein, qui est un acteur très connu, peu importe. Bon. Toujours est-il qu'il veut, il a le projet, peut-être que ça ne se réalise pas, il a le projet de réintroduire la considération du sujet dans la science. Autrement dit, il dit que la science, elle s'appuie sur deux piliers. D'un côté, c'est le discours hystérique, et il n'y a que dans le discours hystérique qu'il y a une invention de savoir. Donc il faut que le sujet y aille de sa peau, ici, pour inventer des choses nouvelles. Sinon, il n'y a pas d'invention. D'ailleurs, dans toutes ces entreprises que sont l'INSERM, Saclay et trucs, c'est qu'il y a plein de chercheurs, ils ne trouvent jamais rien, forcément. Ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent rien du tout. Hein. Et puis, l'autre pilier, c'est le discours universitaire qui est ici. L'autre pilier, ce qui fait que le statut actuel de la science, c'est un statut universitaire. Maintenant, on ne peut plus être scientifique si on n'entre pas dans les grands organismes d'État ou particuliers, ou dans les laboratoires des produits pharmaceutiques, des choses comme ça. On ne peut plus faire de recherche parce qu'on ne peut plus travailler simplement avec son crayon et sa plume, quoi que ce soit encore ça qui fonctionne. Voilà. Donc il a tout ce projet. Alors, on peut penser que Lacan, il espérait, c'est pas réussi, il espérait qu'avec le discours de l'analyste qui est ici, le seul qui est épargné par cette espèce de machinerie qui est le discours capitaliste, restaurer les autres liens sociaux. Hein. Autrement dit, il n'a pas de mépris pour le discours politique. Il se situe politiquement d'une certaine façon, il y va même très fort, hein, des fois. Il ne se situe pas contre l'université. Il reproche à l'université de ne plus remplir la fonction qui devrait être la leur, hein, de formation des sujets. C'est-à-dire quoi, quand on le lit bien, le discours universitaire qui est ici, qui est ici. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans le discours universitaire, l'enseignant enseigne à partir d'un savoir, donc d'un corps de savoir constitué, qui doit rendre raison de sa valeur au regard du discours du maître qui le commande, hein. Et l'étudiant, il est en position d'objectita, hein, c'est-à-dire qu'il se livre entièrement. Il livre son être à l'apprentissage d'un savoir qui va faire de lui, qui va le produire comme un sujet divisé, c'est-à-dire qu'en gros, le discours universitaire d'un presque débile fait un sujet enfin barré par le savoir. Hein. Mais quand on lit, les textes du DSM, par exemple, quand on lit ces choses-là, quand on lit les pratiques du comportementalisme, on n'est pas là-dedans. On est dans quoi, là? Vous voyez ce que je veux dire? Sur quoi on peut aller? On est dans le fait que ça reste toujours sous la barre, c'est-à-dire que, au nom d'une objectivité, le maître véritable, qui est l'entreprise, le pharmaceutique, celle qui prescrit, le discours qui sous-tend ça, là, le vrai maître est toujours évacué au nom de l'objectivité. Voilà. Oui, moi je vais en donner un exemple que vous connaissez tous. C'est que, bon, vous avez suivi quand même de plus ou moins près cette histoire du bagarre sur l'autisme. Hein. C'est quand même invraisemblable qu'un jour, et ça va être mis en route, ou ça va être mis d'une certaine façon, on veuille interdire la psychanalyse aux enfants autistes. C'est-à-dire qu'il y a un député et donc des gens qui vont prendre des mesures pour interdire la psychanalyse, qui est vraiment le discours nécessaire au sujet, quel qu'il soit, alors qu'on sait très bien qu'au fond, même les... On peut leur demander des comptes, d'ailleurs, à tous ces chercheurs des neurosciences, ils ne se sont toujours rien appris sur ce que c'était que l'autisme. On ne sait pas, tout ce qu'ils ont raconté avec leur machinerie et tout, ils n'en savent rien. Et ils ne rendent pas compte de ça, parce que le rapport de force s'est inversé, et ils ont fait des attaques à ce niveau-là, et donc ils sont sur le devant du marché, alors qu'ils n'ont rien à produire pour prouver que leur thèse se tient la route. Hein. C'est complètement fou. Voilà des pans entiers des champs dans lesquels on est confronté. Interdire la psychanalyse à des sujets. Parce qu'un autiste, c'est un sujet aussi, hein, quel qu'il soit. Voilà. Bon, moi, je voulais terminer là-dessus. Non, oh, ben. Hein, on peut passer aux questions. Pour qu'on puisse. Qu'on touche à des choses un peu quotidiennes. De ce à quoi on a affaire. Bon. Vas-y. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais plutôt pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux et Patrick dernièrement, je repensais à l'enseignement, le dit enseignement de psychanalyse à la fac. Et en reprenant à partir de la veille d'Armichard, moi je me souviens avoir entendu certains des profs, et parmi les plus éminents, et pour le coup parmi les plus intéressants, mais qui me semblaient à la fois nous asséner qu'effectivement il n'y avait pas de veille d'Armichard de la psychanalyse, qu'il est même posé aussi que l'inconscient était une hypothèse. Que l'inconscient était une hypothèse, mais où on sentait qu'il n'y croyait pas vraiment. Et donc, la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'est par rapport aussi à l'amas de publications de professants. Hein, c'est est-ce que cet amas de publications de professeurs qui participerait du fait commercial plutôt que de culture de la culture auquel fait référence Pacan. Je me posais la question, est-ce que certaines publications analytiques, je vais y arriver, peuvent servir tout de même le discours de l'analyste? Et si oui, comment, quand, depuis Lacan, aujourd'hui, etc., etc. Parce que j'ai l'impression que cette Weltanschauung, que moi, lorsque j'entendais ces profs asséner, mais sans apporter quoi que ce soit d'argument pour le soutenir, à l'université qui professe la psychanalyse, on a affaire à de la Weltanschauung psychanalytique, parce que cet amas de publications en donne en tout cas cette illusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas de règle. C'est l'histoire du deux. L'œil de Guano. Hein? Non, mais vous comprenez quand tu dis depuis Freud ou depuis Lacan, mais ils sont devant nous, ils sont pas derrière. Hein? Y a vraiment de quoi faire. Hein? Si vous mettez à travailler les textes de Freud et de Lacan, d'abord parce que si vous travaillez Lacan, vous serez obligé de travailler Freud puisqu'il le commente tout le temps, c'est des appuis extrêmement solides. Toutes ces publications, de toute façon, elles sont pas lues, on les lit pas. Qui les lit, ces publications, hein? Déjà, les gens ne lisent pas Freud, ils ne lisent pas Lacan, très peu, de moins en moins. Hein, je ne veux pas nommer des auteurs qu'on se met à lire, mais c'est vraiment la base même. On est même, d'ailleurs, il le dit lui quand même, il le dit quelque part, là, voilà, il lui dit, ceux qui m'expluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt. C'est-à-dire qu'en même temps, ils se réclament, comme ils le disent, ils sont lacaniens, mais en même temps, ils ne parlent pas de Lacan, ils parlent de leur truc à eux, quoi. On ne va pas quand même utiliser la psychanalyse pour dire les neurosciences démontrent la psychanalyse quand même. C'est quand même un peu violent comme truc. Moi, quand je vois un titre c'est, comme c'est ça... Débile, surtout. Hein, c'est débile. Non, mais c'est incroyable d'aller chercher la justification de la psychanalyse dans les neurosciences, alors que la justification, elle est apportée tous les jours dans la pratique avec des analysants. Avec un sujet parlant. Avec quelqu'un qui témoigne, qui est parlant, qui est là, qui vient... Hein, c'est quand même et qui vient montrer la singularité, que chaque histoire est absolument singulière. Donc, évidemment, le système universitaire, il fonctionne sur le mode de la publication. C'est-à-dire que c'est le mode même de fonctionnement universitaire. C'est-à-dire, plus on a de publications, plus on est considéré universitairement. Donc, plus on est loin de la parole. Ça doit, normalement, si ce qu'enseigne la psychanalyse en question était dans un... une croyance dans l'inconscient, de croire dans l'inconscient, et non pas dans l'hypothèse de l'inconscient, il se poserait des questions en publié quand même. Et à un moment, il faut être un peu stalinien, hein. Choisis ton camp, camarade. Hein. C'est ou tu fais ça, ou tu fais ça. Tu peux, c'est pas possible. À l'université, il ne s'agit pas de vouloir sauver la psychanalyse. Il s'agirait de donner un appui au discours, redonner son sens au discours universitaire. C'est un peu le sens de ma question. Ouais, mais c'est ça le truc. C'est ça qu'il faudrait défendre. C'est pas aller défendre la psychanalyse à l'université, puisqu'elle n'y est pas. La psychanalyse, comme il le dit, elle est dans la pratique. Elle n'est pas dans les publications, elle n'est pas ailleurs, elle est dans la pratique. Donc à l'université, il faudrait que, effectivement, les universitaires qui sont dans des départements de psychologie et qui enseignent la psychanalyse, montre l'écart qu'il y a entre la psychologie et la psychanalyse, par exemple. Hein? Le problème, c'est que ça n'y est pas, ça. Comment ? Il n'y a aucun professeur de psychologie qui enseigne la psychologie d'obédience analytique, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a aucun professeur qui va dire ce que vous dites. C'est-à-dire, attention, ça a le terme, on parle de psychanalyse, mais nous ne faisons pas de la psychanalyse, car ce qui se passe à l'université, ce n'est pas de la psychanalyse. S'ils disaient ça, peut-être que les étudiants sauraient ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est ça, oui. Ils pensent qu'ils font de la psychanalyse. Mais oui. C'est ça qui est grave. Ouais. C'est au professeur de dire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas de la psychanalyse. Non, mais c'est flatteur d'être psychanalyste. Un professeur dirait, moi je ne fais pas passer un examen écrit en posant comme question la pulsion. Hein. Et puis faites-moi une copie de 2-3 pages sur la pulsion. Hein, il dirait, écoutez, Freud, il a passé sa vie à essayer de comprendre ce que c'était que la pulsion, il n'y est pas arrivé. Hein. Voilà, par exemple, des choses comme ça. C'est pas ce qui se passe. Voilà. Et pour revenir à l'histoire du guano, c'est tellement subversion. C'est le guano, c'est Lacan qui donne cette image qu'il a tracé des arêtes extrêmement précises et acérées avec son enseignement, et que c'était recouvert par le guano, c'est-à-dire la merde, hein, qui vient recouvrir pour masquer... Voilà, les publications, c'est ça, c'est la poubellication qui vient recouvrir le côté, justement, lumineux des arêtes tranchées, parce que, justement, il essaie de sauver le côté subversif de la psychanalyse. Absolument subversif, freudien, et que lui-même, Lacan, dit que Freud lui-même, il ne sait pas s'il était vraiment conscient de la puissance subversive de ce qu'il a amené là. C'est pour ça qu'il va le coupler ensuite avec Marx. Prenez l'exemple de Freud. Bon, Freud, il est en difficulté, forcément, parce qu'il est tout seul. Il a du mal avec les gens qu'il suit, parce qu'ils sont accrochés à ses basques, et on le sait bien. Bon, le rêve de l'injection faite à Irma, bon, que Freud raconte, qui est toujours repris en exemple. On voit bien que Freud se débat avec ce truc. Et alors on finit par interpréter le rêve comme étant un rêve que Freud fait pour se déculpabiliser de ne pas avoir bien soigné sa patiente. Hein. C'est en gros ça. Mais ça, c'est le désir préconscient de Freud. Ça. C'est pas du tout son inconscient qui est en jeu. Par contre, il livre une clé qui est formidable. Il va livrer que dans son rêve, à la fin du rêve, il voit dans son rêve la formule de la triéthylamine. C'est-à-dire que, comme par hasard, c'est la formule des produits de dégradation du liquide spermatique. C'est-à-dire que le désir de Freud, c'est pas tout ce qu'il raconte sur Irma, les collègues qui se moquent de lui, tout le monde se moque de lui, parce qu'on le prend pour un farfelu à Vienne. Hein. Mon propos est farfelu. C'est que, à son insu, il met la triéthylamine. Et ce que fait Lacan avec Freud, c'est qu'il montre comment Freud est suffisamment honnête intellectuellement, et ça, l'honnêteté intellectuelle, ça fait partie de l'éthique et elle est assez rare hein, en général. C'est qu'il sait faire passer dans son texte ce que lui ne sait pas. Et que Lacan va cueillir quand il va dire retourner au sens originaire de Freud. C'est pour ça que Lacan ne se situe jamais en position originaire et originale par rapport à Freud. Il dit, moi je lui donne des suites logiques. Il se situe que comme ça, Lacan, tout le temps. Il revient tout le temps à Freud parce que Freud savait, puisque c'est lui qui l'a nommé. D'abord, l'inconscient, c'est pas un bon terme, il le dit, mais c'est, tant pis, il l'a pris, ben, il faut, on a affaire avec l'inconscient. Hein. Voilà, des choses comme ça. Moi, je vois pas ce travail à l'université comme ça. Hein. Je vois pas ce de critique, les unités de valeur, c'est un truc de fou, ça. À la limite, le seul travail qui pourrait être fait à l'université, ça serait un travail sur les discours. Sur les discours. En tout cas, de s'interroger sur son propre discours. Oui, parce qu'on est obligé là, de s'interroger, si on le fait avec un minimum d'éthique. Donc, et si on définit assez précisément, et qu'on travaille assez précisément là-dessus, à un moment, on ne peut plus tricher. Tu es obligé de te reconnaître dans quel discours tu es pris. Donc ça serait la base. Mais est-ce que c'est enseigné, ça? Je ne sais pas, ceux qui sont... qui sont passés par les fourches de l'université. Ou les institutions analytiques qui sont devenues des machines commerciales. Enfin, c'est clair, il suffit de regarder un peu, de voir comment les publicités se font. C'est des machines commerciales. C'est clair et net. Hein? Comment faire ? Tu continues à filmer ? Hein? Comment alors faire? Allez-y. Comment on fait là? On interprète son désir. Oui, non, mais son comment faire, oui. Comment faire, oui. C'est le loup de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un collectif, mais c'est un collectif d'un autre ordre, un collectif nouveau. C'est-à-dire ce qui part sur des bases. Où justement chacun se confronte à son désir. Donc, c'est une sortie déjà d'une valeur collective qui est usurpée, qui est une manipulation. Discursif, on est dans des discours. On est coincé. Hein. De toute façon, Beckett disait vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Alors, Lacan, il est plus optimiste avec ses discours, puisqu'il y a une possibilité avec les discours d'entrer dans l'interprétation de l'inconscient dont je suis le sujet, à travers mon désir. Là, il y a effectivement un nouveau collectif qui peut se créer sur des bases subjectives qui ont été nettoyées. Sinon, même les collectifs révolutionnaires, etc., se sont voués à la perdition, puisque c'est impossible aujourd'hui de penser Marx sans Freud. Les révolutionnaires eux-mêmes, pris dans des discours, finissent par être dévorés par la révolution parce que, justement, leur propre subjectivité est engagée d'une manière qui n'est pas référée, forcément, à leur désir. Dans la responsabilité qui est induite par ce questionnement-là. Alors, il y a un point que tu l'avais rappelé et qui me paraît très important, et vous verrez que vous allez vous rencontrer avec ça, puisque ça se diffuse de plus en plus. C'est Lacan qui sort cette phrase que on perd dans la traduction, dans l'interprétation. Donc, il y a toujours une perte, et il dit bien, cette perte, c'est le réel même de l'inconscient, et puis il ajoute, le réel même tout court. Hein. Mmh. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a des élaborations théoriques actuelles qui considèrent qu'il y avait l'inconscient supposé par Freud comme étant une élucubration, autrement dit, l'inconscient structuré comme un langage, c'est une hypothèse, et après tout, c'est un peu farfelu en gros, c'est une élucubration, et ils ont trouvé un inconscient réel qui lui ne s'analyse pas. Alors d'un côté, on aurait un inconscient qui est une simple élucubration imaginaire de Freud, et de l'autre côté, un inconscient réel qui, lui, s'analyse pas. Alors, où est l'analyse là-dedans? Il n'y a plus besoin d'analyse. Même si c'est des analyses qui produisent ça, quand même. Parce qu'ils font c'est des hypothèses de l'inconscient, hein, mais ils n'y croient pas. Mais ça les arrange voilà, bien. Voilà, c'est ça. Hein, c'est... Mais alors que la supposition de savoir, c'est un artifice du dispositif analytique pour pouvoir décoller par rapport à son inconscient, puisque quand on est en prise avec l'inconscient, on ne sait pas qu'on est mu par l'inconscient. On a tous tendance à vouloir maîtriser les choses, on est sollicité à ce niveau-là. Donc vous voyez ce genre de truc, ça vient des analystes, ça vient pas d'ailleurs, et vous allez entendre parler de ça, puisque ce sont des textes qui sont en train de se diffuser comme ça. Et vous, un jour vous allez apprendre ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes encore au courant. Voilà, l'inconscient élucubré de Freud. Donc Freud, c'était un peu un farfelu. Par conséquent, notre ami Onfray a raison. Et de l'autre côté, il y a l'inconscient réel, dont le paradigme, c'est le lapsus, justement. C'est vraiment le point exact. Et lui, on ne l'analyse pas. Il est inanalysable. Donc il n'y a plus besoin d'analyse. Hein, c'est fini. Pour ces gens-là, ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train d'annoncer ce que eux pensent, que la psychanalyse, ça ne sert à rien. Hein? C'est ça. Ils auront passé toute leur vie à faire fortune avec ça, parce que quand même, ils en ont tiré beaucoup de bénéfices. Il y a des gens qui ont fait fortune avec ça, c'est le cas de le dire, mais pas dans le sens de Freud ou de Lacan. Hein? C'est-à-dire, ils ont fait ça autrement. Machine commerciale. Hein? Voilà. Beaucoup ce qu'on entend, on sent justement chez certains professeurs à l'université. Avec ça, l'inconscient réel et tout là. Bah, non, c'est qu'on sent qu'il ne croit plus en fait. Mais non, il ne croit pas. Non, ça ne sert à rien. Non. Il ne croit plus. Mais ils n'y ont jamais cru vraiment. C'est juste une option, comme à l'ENA, ils prennent PS, UDF, tu sais, c'est des options. T'es mauvaise humeur. Non, mais c'est exactement la même chose. Il y a une vocation absolument socialiste chez Cahuzac. Non, mais sans déconner. Ils ne participent pas à leur corps. Ils ne mettent pas. On sent que. Voilà. Ils ont beaucoup trop de recul par rapport à tout ça. Ils ont beaucoup trop de recul. Ouais. Ils sont même à reculons. Ouais. C'est plus du recul. Moi, je suis sidéré quand je vois des questions d'examen. Je dis, mais comment la pulsion? Qu'est-ce que l'inconscient? On passe sa vie à se demander ce que c'est, puisque justement, c'est l'inconscient. Et que si on n'a pas eu affaire à l'inconscient d'une façon ou d'une autre, et tout spécialement dans une cure, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'inconscient. Il y a quand même eu des analystes qui se sont amusés à analyser les lapsus des hommes politiques. Alors maintenant, vous faites un lapsus, les gens disent « Ah, il a fait un lapsus. Ah, il a fait un lapsus. » On ne sait pas de quoi ça, on sait pas où ça mène, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il a fait un lapsus. Hein. Alors là, c'est grave. On en a relevé un l'autre jour de Hollande. Hein. Il a parlé de je ne sais pas quel pays à propos. Ah oui, il avait vendu les rafales aux Indes et non pas aux Égyptiens. Formidable. Il a fait un lapsus. À sa conférence de presse. Hein? C'est dans tous les journaux. Oui, alors, avec Lacan. Il faut bien comprendre que le désir s'est tourné du côté de la mort. Le désir, c'est le désir de mourir, au sens où ça suffit cette histoire, il faut que ça s'arrête. Hein. Ça, c'est ça le désir. Chez Lacan, le désir, impossible à dire. C'est impossible à dire comme l'est la mort, c'est ça que ça veut dire. Hein. Puis la jouissance, contrairement à Freud, ça c'est important, elle est du côté de la vie. Il n'y a que les vivants qui peuvent jouir. C'est tout. Et tant qu'il y a de la jouissance, la vie est là. Voilà, c'est ça qui est important. Seulement, il ne faut pas n'importe quel type de jouissance. Voilà, parce qu'il y a une jouissance qui est... Une jouissance dans le parler pour que l'histoire... Il ne dit pas votre histoire, il dit l'histoire continue. La jouissance qu'il y a dans le parler. Parce que l'autre jouissance, c'est celle justement qui est morbide, qui vous tue. Sûrement. Donc... C'est ça qui est un peu complexe. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Oui. On avait vous avez dit le réel n'a pas de sens. Enfin, oui, le réel n'a pas de sens. Et que le réel, de mon sens, est accessible pour chacun. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas le réel, c'est un réel pour chacun. C'est le réel qui se présente de manière singulière pour chacun à travers l'expression de son sujet. Des bouts de réel. C'est que des bouts de réel. Il y a pas le réel, c'est justement, c'est pas, comme il dit dans la troisième, ce n'est pas universel, c'est le pas réel, réel. C'est ce qui ne va pas. C'est et pas un... on n'a que des petits bouts de réel chacun. Et chacun qui se présente par le sujet. Puisque le sujet, lui, il est réel, en quelque sorte. Même si il ne se donne que par le symbolique, puisque c'est parce qu'il y a le symbolique qu'il y a le sujet. Donc la chaîne symbolique se met en branle et le sujet est déjà pris dedans. Quand vos parents ont choisi votre prénom, vous étiez déjà potentiellement assujetti à une chaîne signifiante dans laquelle votre prénom était engagé. Donc, quand vous récupérez cette possibilité de savoir dans quel discours vous êtes pris et justement comment vous vous situez, à ce moment-là, le symbolique vous permet de toucher le réel, puisque vous allez toucher là un bout de votre jouissance aussi, si vraiment vous êtes dans une dimension où c'est votre sujet d'énonciation qui est appelé. Parce que justement, par rapport à ces professeurs qui se croient au-dessus de l'inconscient, eux, c'est des énoncés, mais leur sujet d'énonciation n'est pas pris dans leur énoncé. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur un mode universitaire, c'est-à-dire que c'est des trucs objectifs, ça vaut pour tout le monde, mais pas pour moi. Non, dès qu'il y a une parole, le sujet de l'énonciation est pris lui-même dans son énoncé. Il faut être prêt justement dans le désir à mourir pour sa propre parole. Donc on ne peut plus dire non plus trop de conneries à ce moment-là. Puisque ça prend une gravidité, le poids de la parole. Si vraiment je parle, c'est pour dire mon désir, et mon désir, si c'est un désir justement de mourir, comme l'a rappelé Patrick, je mets mon désir dans ma parole, je ne peux plus raconter trop de conneries. En tout cas, si je dis des conneries, je les dis avec... en y mettant ma peau, c'est-à-dire j'inclus mon sujet d'énonciation dans mon dire. Voilà. C'est en ça où il y a du réel, sinon il n'y a pas de réel. Ça reste... Il ne faut pas faire de confusion. Le désir de mourir, ça ne se réalise pas. Quoi, hein. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas le réaliser, puisqu'il est impossible à dire. C'est ça quand même qu'il faut se dire. Quand même. C'est pour ça que la vérité, justement, parce que c'est par la vérité que le sujet touche au réel, la vérité, ça n'a rien à voir avec la certitude qui est contenue dans des énoncés. La vérité, c'est le risque que prend le sujet en la disant, puisque justement, il y met son désir. Donc, le sujet de l'énonciation, sa vérité se situe ailleurs. Bien qu'elle soit prise dans l'énoncé, elle déborde toujours son énoncé. Et donc, c'est là où il y a effectivement une parole qui peut se dire... et où du réel peut être touché, alors qu'il n'a pas de sens. Là, il y a des bouts qui apparaissent, je sais. Merci. Bon, on peut arrêter là, parce que ça va faire encore une très grosse bande. Mais on peut continuer après l'enregistrement.